Exercice 11. Exprimez des souhaits avec « pourvu que ». Exemple. Venir. Pourvu qu'il vienne. À vous. Pleuvoir. Pourvu qu'il pleuve. Faire beau. Pourvu qu'il fasse beau. Ne pas avoir de retard. Pourvu qu'il n'ait pas de retard. Être à l'heure. Elle. Pourvu qu'elle soit à l'heure.